Une fois n'est pas coutume, mais je voudrais commencer par le propos d'un ancien footballeur, Lilian Thuram en l'occurrence. Interviewé il y a quelques semaines par un journaliste du Monde à propos de la grève générale en Guadeloupe, le sportif déclare « La Guadeloupe est souvent en avance sur la métropole en matière de conflit social. Si je vous demande ce que vous inspire mai 67, vous allez me répondre que je me trompe d'une année ou que je ne connais pas l'histoire de France. » Mais, 67. Je dois, moi aussi, avouer, sans doute comme la majorité d'entre vous, que cette date ne m'inspirait aucun souvenir. Je me suis donc plongé dans les archives. Que s'était-il donc passé en Guadeloupe en mai 1967? Et c'est ainsi que j'ai découvert une information assez stupéfiante. La Guadeloupe, département français, a connu à l'époque 3 journées de grande violence qui ont provoqué la mort de nombreuses personnes, vraisemblablement plusieurs dizaines abattues par les forces de l'ordre. Et pourtant, il faut se rendre à l'évidence, ni la grande presse ni le monde politique ne s'y sont vraiment intéressés. Alors, imagine-t-on un pareil massacre resté inaperçu dans tout autre département français de métropole? C'est pourquoi j'ai demandé à M. X de m'éclairer, car malgré le temps qui a passé, la vérité ne s'est pas encore fait jour et certains documents sont toujours inaccessibles. Notre ancienne colonie antillaise n'était donc pas un département comme un autre, et il faut bien constater, à la lumière des récents événements, que cet état d'exception demeure. Sa pays là, yo pas ve sainte loi, yo pas ve marcel louia. En vérité, yo pas aimé l'eau quand sa pays là. Les souffriers, y pas qu'un dormi, on vous comment y cambouille. N'importe qui joue force sa pété. C'est le cachaille. Celui qui a pu le moins, celui qui a mené nous plus haut, plus haut. Pardon, maman, pardon, papa, nous pas de pays là, si l'eau vini ancienne, faiblesse, pas gagne pour encore un nouveau, et pas gagne ni mélancolie, et n'importe qui philosophe. Pour payer à nous que les zombies, zombies, zombies, zombies, que roulez. En pays, la parmi pour rêve, j'ai l'espérance nous mettre sans rêve. Mais toi, pour qui qu'a ralenti, qu'a dans un pays là. C'est cette vie, c'est noir serré, chante paroles mal élevées. C'est nous-mêmes qui menacent, mais c'est qu'un pays là. Mais souffrir, pas qu'un dormi, on vous comprend, qu'un bruit. N'importe qui joue force à péter, souffrance à pays là. C'est lui qui a chaillé. C'est ça qu'a brûlé moi. C'est lui qui a mené nous plus haut, plus haut. Pardon maman, pardon papa, nous pas réveillés là où ça. Si l'eau vini ancienne, faiblesse pas gagne pour encore un nouveau. Il est vrai que si la métropole a oublié depuis longtemps le mai 67 de la Guadeloupe, son souvenir demeure brûlant dans l'île. Et beaucoup de nos compatriotes antillais y ont pensé lorsque la Guadeloupe a récemment connu deux nuits d'émeutes. Avec la mort d'un homme. Oui, mais en mai 67, il y a eu plusieurs dizaines de morts. Alors, on doit tout de suite se demander pourquoi ces événements dramatiques ont provoqué si peu de réactions à l'époque. Il faut d'abord dire que le bilan humain a été sciemment minoré. Il le reste toujours, d'ailleurs. Officiellement, les autorités n'ont reconnu que 7 morts. Ce qui est déjà beaucoup. En effet, mais en mai 68, après plusieurs semaines de violence, on a recensé après tout que 2 morts. En métropole. Deuxième raison, la Guadeloupe, c'est loin. Et troisième explication, aussi réaliste que regrettable, toutes les victimes étaient noires. Et un mort noir est moins considéré qu'un mort blanc. C'est donc aussi le racisme qui expliquerait le silence. Le racisme et également tous les relents colonialistes qui subsistaient en Guadeloupe. Qui n'ont pas tous disparu. Certains, surtout dans le domaine économique. Enfin, ne nous éloignons pas. Il faut d'abord observer que c'est un fait divers raciste qui a contribué à faire monter la fièvre dans l'île. Je vous raconte brièvement. En mars 1967, à Basse-Terre, dans le sud de l'île, un infirme qui accomplit des petits travaux de cordonnerie vient s'installer devant le magasin de chaussures d'un certain Srinsky, un blanc d'origine tchèque, naturalisé depuis longtemps. Et ce commerçant prend ça pour une provocation. Concurrence déloyale. Enfin, je ne sais pas, et peu importe. En tout cas, ce Srinsky demande à l'infirme de déguerpir au plus vite. Et comme ce pauvre noir n'obéit pas, il lance son chien loup contre lui. Ah oui. Chien loup, et l'animal le mort. Bien évidemment. Cet épisode raciste qui aurait pu se dérouler dans l'Afrique du Sud de l'apartheid ou dans une ville du sud des États-Unis fait aussitôt scandale, car ce commerçant est bien connu dans l'île. Pourquoi ? Srinsky est un agent électoral très actif de l'UNR, le parti gaulliste. Il est même lié à Jacques Foccart, l'éminence grise du général de Gaulle. Mais nous aurons à reparler de Foccart dont l'ombre a plané sur tous ces événements guadeloupéens. Quoi qu'il en soit, cet incident raciste provoque immédiatement de violentes réactions dans la population de Basse-Terre. Le chien est tué et le magasin du marchand de chaussures est saccagé. Mais ça n'est qu'un début. On assiste pendant 3 jours à de véritables scènes d'émeutes. Alors, spontanées ? Pour une large part, oui. Même si des mouvements indépendantistes ont sans doute tenté d'attiser l'incendie. En tout cas, le préfet de la Guadeloupe, Pierre Belotte, tout en assurant comprendre l'indignation suscitée par cet acte raciste, prend peur et alerte Paris. Il demande l'envoi de renforts. Ce qu'il obtient ? Oui, mais des gendarmes mobiles débarquent et quadrillent Basse-Terre afin de ramener le calme et de neutraliser les émeutiers. Et malgré la pseudo-compréhension affichée par le préfet, seuls des manifestants accusés d'avoir participé à des attroupements comparaîtront quelques mois plus tard devant le tribunal. Et ce commerçant-là, coupable de l'agression raciste ? Eh bien, on ne le reverra pas de sitôt. Les autorités ont jugé plus prudent de l'expédier hors de l'île. On est donc là, en mars, 2 mois avant les tragiques événements de mai 67. Et il n'y a aucun doute, ces premières émeutes ont été l'élément déclencheur. Mais ici, je veux faire une parenthèse et remonter un peu dans l'histoire. Quoi ? L'histoire de la Guadeloupe ? Oui, mais enfin, rassurez-vous, je ne veux pas être trop long. Les premiers colons français s'installent dans l'île au XVIIe siècle. Et la population indigène ? Les Indiens Caraïbes ? Oui, j'imagine qu'ils ont été décimés par les premiers conquérants. Massacres et maladies ont eu rapidement raison de ces malheureux. Et lorsque les colons envisagent de mettre en valeur les terres, il leur faut importer de la main-d'œuvre. Des esclaves africains. Être régis par le fameux code noir élaboré par Colbert. Ouais. Une codification de l'esclavage et donc des rapports entre les planteurs blancs et leurs travailleurs captifs. C'est ça, et ce système qui ne peut perdurer que par l'emploi de châtiments effroyables dure jusqu'à la Révolution. Non, sans que l'on assiste régulièrement à des révoltes. La Convention abolit donc l'esclavage et les Guadeloupéens libérés en profitent pour prendre leur revanche. Et de nombreux colons sont guillotinés sur décision des comités révolutionnaires. Oui, mais Napoléon va rétablir l'esclavage. Et il envoie la troupe. La répression qui suit est terrible. Il faut attendre la Deuxième République et Schœlcher pour que l'esclavage soit définitivement aboli dans les colonies françaises. Un acte humaniste, mais qui, fondamentalement, ne change pas grand-chose à l'existence des anciens esclaves qui continuent à travailler dans les plantations des Blancs, souvent des béquets qui viennent de Martinique. Mais pour quelle raison alors ? Parce que les planteurs guadeloupéens ont été tués pour la plupart. Ah oui, donc on les fait venir de Martinique. En tout cas, même le système économique ne change pas. Monoculture de la canne à sucre et régime de l'exclusif. Qu'est-ce que ça signifie, ça, l'exclusif là ? Ben, que les relations commerciales de l'île doivent se faire exclusivement avec des bateaux français, et donc avec la métropole. En outre, il existe aussi, et ça continue, hein, ce que l'on appelle l'octroi de mer. Ah, encore une fois, une explication, là. Une taxe sur toutes les marchandises importées. Quoi qu'il en soit, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Guadeloupe demeure donc une colonie étroitement dépendante de la France et confinée dans le sous-développement. L'histoire de l'île est alors régulièrement émaillée de manifestations sociales et de grèves parfois réprimées dans le sang, comme en 1910. Et c'est après la guerre, seulement après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, que l'île va devenir un département. Un DOM, département d'outre-mer. C'est une évolution qui était largement réclamée par la population guadeloupéenne et ses élites politiques. Et d'abord, j'imagine, parce que ça mettait fin au statut colonial. Bien sûr, et surtout parce que cette départementalisation laissait espérer l'égalité des droits avec tous les autres citoyens français. Et donc, l'assimilation. Parfaitement. Ouais. Mais cette importante réforme va pourtant se révéler très vite décevante. Expliquez-moi, là. Pour que cette départementalisation ait été positive, il aurait fallu que l'assimilation politique soit suivie d'une véritable émancipation économique ou sociale. Or, il n'en a rien été. Et même les plus ardents défenseurs de cette départementalisation de nos anciennes colonies, tels Aimé Césaire, ont dû reconnaître que le nouveau statut a au contraire accru les excès du colonialisme, c'est-à-dire la constitution d'une caste de privilégiés, essentiellement des fonctionnaires, à côté d'un lobby de gros propriétaires blancs. Ben les mêmes qu'aujourd'hui. À peu près, oui. La conséquence, c'est que les grèves vont se multiplier et qu'elles sont quelquefois réprimées avec la même brutalité que pendant la période coloniale, comme la Saint-Valentin sanglante de 1952, tandis qu'on assiste parallèlement à la progression du sentiment autonomiste. Autonomiste, hein, pas indépendantiste. Ah ben, pas tout de suite, en tout cas, même si les premières revendications indépendantistes sont apparues dès les années 30. La deuxième déception se produit en 1960. Le pouvoir gaulliste s'est rapidement rendu compte que la départementalisation mise en place en 1946 avait abouti à un échec. Ainsi a-t-il été proposé aux DOM une départementalisation avancée. Est-ce qu'il voulait dire ça? Bon, les conseils généraux se voyaient dotés de pouvoirs supplémentaires. Mais le système était si sclérosé que ça ne devait pas aller très loin. Et même le principe de l'assimilation finit par être mis en cause car il est accusé de permettre le maintien du statut colonial. Bon, je n'entre pas dans les détails, mais on assiste à un réel divorce entre les partisans d'une évolution vers la départementalisation, autonomie, et ceux qui se prononcent carrément pour l'indépendance. Une idée alors qui fait donc son chemin. Oui, ce n'est pas trop étonnant si on prend en compte la situation internationale et même le contexte géographique. La proximité de Cuba, entre autres, non ? Oui, les Cubains, en chassant le dictateur Batista et la clique de gangsters qui sévissaient dans l'île, se sont d'une certaine façon libérés. Et beaucoup d'intellectuels et d'étudiants guadeloupéens ont été séduits et vont même se faire pousser des barbes à la Castro. Oui, ça, c'est symbolique. Quant à la situation internationale, enfin, dans ces années 60, c'est la décolonisation. Oui, là aussi, ça fait réfléchir pas mal de Guadeloupéens, même si la majorité d'entre eux ne veut pas rompre avec la France. Enfin, pour être tout à fait complet, il y a un autre phénomène qui joue, la fraude électorale. Et pratiquée par le parti au pouvoir, j'imagine, oui. Ses représentants dans l'île qui, alors que la Guadeloupe votait plutôt à gauche, et même communiste, font en sorte qu'elle bascule à droite. Le bourrage des urnes ? Une intervention directe de l'administration préfectorale, oui. Bon, tout cela fait que le climat guadeloupéen devient de plus en plus tendu. Surtout après l'incident de l'infirme mordu par le chien du commerçant gaulliste. Rendez-vous avec X. Après l'incident raciste dont a parlé Monsieur X, il est vrai que le préfet a pris peur et qu'il a demandé au ministre des Dumpton, le général Biot, de lui envoyer des renforts. demande transmise au chef de l'État. Le mercredi 22 mars, Jacques Foccart, qui s'entretient chaque soir avec le général de Gaulle, évoque cette affaire. La suite est racontée par Foccart lui-même. Quand j'en suis venu à l'affaire de Basse-Terre, le général a poussé des clameurs. Comment ? Un deuxième escadron ? Mais jamais ! Je n'ai pas compris du tout que Biotte me demandait cela, d'ailleurs. Il ne me l'a pas demandé, c'est toujours la même chose. On fait des phrases comme cela pour faire croire que l'on a demandé, après quoi on en profite. Jamais de la vie. Il faut arrêter avec ces histoires de préfets et de gouverneurs qui s'affolent pour un rien. Ce n'est pas parce qu'un blanc a envoyé son chien mordre les fesses d'un nègre qu'on va envoyer un escadron. C'est ridicule. Combien y a-t-il d'hommes là-bas ? Heureusement, c'est Foccart qui continue à parler, j'avais préparé mon affaire et je lui ai répondu qu'il y avait 600 hommes disponibles. « Eh bien, c'est très largement assez, dites à Biotte que ça suffit comme cela et qu'on ne va pas indéfiniment se laisser gagner à la main par tous ces préfets et tous ces gouverneurs qui n'ont pas les nerfs assez solides. » Du reste, toujours Foccart, le soir, je peux annoncer au général que le calme est revenu à la Guadeloupe. Ce texte est extrait du journal de l'Élysée de Jacques Foccart, publié par Fayard et Jeune Afrique. Avant d'en venir à proprement parler aux événements de 1967, de mai 1967, une précision. Vous m'avez dit que la Guadeloupe votait souvent communiste. Hein ? Au moins dans les élections locales. Il y existait donc un puissant parti communiste. Et quelle était la position de ce parti alors sur la question de l'indépendance ? Elle était plutôt frileuse ou embarrassée. Bien sûr, les communistes condamnaient la colonisation et le colonialisme. Mais ils n'étaient pas décidés pour autant à rompre avec Paris. Et c'est pourquoi certains militants vont plutôt épouser des thèses maoïstes et reprocher vivement au parti guadeloupéen de collusion avec les gaullistes. C'est sans doute ce qui explique la création d'un mouvement dont on va maintenant beaucoup parler, le Gong. Gong, un nom qui sonne fort, enfin non, pardon. Ouais. C'était une mauvaise plaisanterie. Alors, qu'est-ce que c'est ce Gong-là ? Gong, c'est l'acronyme de Groupe d'Organisation Nationale de la Guadeloupe. Ces militants sont généralement des intellectuels et sont souvent d'anciens communistes. Ouais, des indépendantistes. Oui, et comme ils le proclamaient eux-mêmes, des révolutionnaires. Bon, et quelle force représentait-il ? Franchement, pas grand-chose. Ils étaient tout au plus quelques dizaines et leurs revendications ne séduisaient pas vraiment la population. Un groupuscule, donc. Mais ils faisaient grand bruit et disposaient même d'un journal. Autre point qui compte, certains de leurs militants étaient incontestablement des hommes populaires, à l'instar de Jacques Nestor, qui sera d'ailleurs le premier à tomber sous les balles des forces de l'ordre. Ajoutons, mais ça ne vous étonnera pas, que le Gong est vite devenu, sans jeu de mots, la bête noire des autorités et du lobby blanc qui présentait invariablement ses militants comme des communistes internationalistes. Des hommes dangereux. Ou plutôt des hommes dont on exagérait à souhait la dangerosité. Ouais. Alors, dans ce sens, il n'était pas tout à fait inutile. Aux yeux du préfet, certainement pas, parce qu'il était facile de leur imputer la responsabilité de tous les troubles. Ceux du mois de mars, par exemple. C'était évidemment le Gong qui s'était trouvé derrière les émeutiers. Un mot peut-être sur ce préfet, ouais. Pierre Belotte, qui régnait sur l'île comme un gouverneur colonial. Ainsi, ce n'était certainement pas un hasard si ce haut fonctionnaire avait longtemps été en poste en Indochine, puis en Algérie. Pendant la guerre, donc. Et c'est pourquoi il avait sans doute hérité de certains réflexes. En tout cas, il était clair qu'il avait été placé en Guadeloupe pour faire de la politique, c'est-à-dire favoriser à tout prix la droite départementale et diviser l'opposition. À commencer par le Parti communiste. On a même dit que les discours électoraux des candidats du pouvoir étaient écrits par le préfet. C'est plus simple. Alors revenons à la chronologie. Au mois de mai, les ouvriers du bâtiment se mettent en grève. Que réclament-ils ? Une augmentation de leur salaire et la parité en matière de droits sociaux. D'emblée, on a affaire à une grève dure. Les ouvriers sont déterminés. Et ils ont mis en place des piquets de grève. Aussi, le patronat convoque-t-il une réunion de négociation le 26 mai. Ça commence très mal. Dès le matin, un premier rassemblement de grévistes est brutalement dispersé par les forces de police. Ça fait monter la tension. Ah, forcément. C'est visible dans la foule qui se masse sur la place de la Victoire devant la chambre de commerce de Pointe-à-Pitre, où les délégués syndicaux et patronaux doivent se rencontrer. Les esprits sont échauffés, d'autant qu'une rumeur grossit et alimente la colère des grévistes. Une rumeur ? Oui, car la réalité de cette information n'a jamais pu être établie. Alors bon, je vous la livre telle qu'elle. Le représentant des entrepreneurs, un nommé Brizard, aurait dit quand les nègres auront faim, ils reprendront le travail. Oui. En tout cas, vrai ou faux, cette phrase ne pouvait que mettre le feu aux poudres. Hein. C'est certain. En tout cas, très vite, les manifestants voient arriver des compagnies de CRS. Officiellement, il s'agit de permettre à ce brisard de quitter la chambre de commerce en toute sécurité. Mais ça dégénère assez rapidement. Coups de matraque, grenades lacrymogènes, contre-jets de pierre, de bouteilles et de conques de lambi. De quoi ? De lambi. Une spécialité locale, un coquillage assez lourd et hérissé de pointes. Ah ouais, donc un projectile assez redoutable. Oui, cependant, notez-le bien, à ce moment-là, on assiste à des faits relativement banals, comme il s'en produit parfois en métropole, lorsque les agriculteurs ou les métallos se mettent en colère. Mais tout va bientôt basculer, parce que le préfet donne l'ordre de tirer. À balles réelles. Oui, oui, ce sont surtout les gendarmes mobiles qui vont faire usage de leurs armes. Des gendarmes qui étaient présents depuis les événements de mars et devaient rentrer en métropole. Au dernier moment, alors même qu'ils allaient embarquer dans l'avion du retour, le préfet a obtenu qu'ils restent sur place. Ils participent donc à la répression de la manifestation. Mmh. Mais revenons là sur cet ordre de tirer. C'est excessivement grave. Et tout à fait exceptionnel. En métropole, une telle décision n'aurait pu être prise qu'en raison d'événements très importants. Une situation insurrectionnelle, par exemple. Il faut croire qu'en Guadeloupe, il en allait tout autrement. Vous insinuez que la vie humaine, là-bas, n'aurait pas eu la même importance qu'en métropole. Ça me semble évident, non ? Et même si le préfet réfugié dans la sous-préfecture a eu réellement peur, il est difficile d'expliquer autrement l'ordre qu'il a donné. Mais, attendez, pensez-vous vraiment qu'il a pris cette décision tout seul, sans en référer à Paris ? Je n'ai pas dit ça. Il a bien sûr téléphoné à Paris, mais si vous permettez, j'y reviendrai, car à mon sens, c'est une des clés de cette affaire. Alors, poursuivons. Attendez, j'ai pas fini, moi. Il faut aussi justifier l'usage des armes à feu. Ça n'est pas très difficile. Il suffira ensuite d'affirmer que les forces de l'ordre n'ont fait que répliquer. Ah oui, légitime défense. Ouais. C'est bien ce que prétendra plus tard la préfecture. En tout cas, après cet ordre d'ouvrir le feu, très vite, c'est le drame. Un manifestant est mortellement touché. Une victime particulièrement emblématique puisqu'il s'agit de l'un des militants du Gong, Jacques Nestor. Ah oui, un homme très populaire à la Guadeloupe, m'avez-vous dit. Oui, et l'annonce de sa mort va décupler la fureur de la foule. C'est à ce moment, et seulement à ce moment-là, que des groupes de jeunes se répandent dans la ville, commettent de nombreuses déprédations et vont même dévaliser des armureries. Et les forces de l'ordre continuent à tirer ? En effet, car rien ne peut désormais rétablir le calme. Et on observe maintenant de véritables scènes de guerre, tandis que les manifestants, souvent de très jeunes gens, saccagent les magasins. Des jeeps, équipés de mitrailleuses, parcourent les rues de Pointe-à-Pitre, livrés aux émeutiers. Et donc, de nouveaux morts ? Bien évidemment. Et seulement du côté des Noirs. Certes, des policiers ou des militaires sont blessés, mais aucun n'est tué. Et après une nuit d'émeute, ça recommence le lendemain, alors que Jacques Nestor est porté en terre par ses amis. Deuxième journée de violence. Et nouvelle victime. En même temps, les forces de l'ordre procèdent à de nombreuses arrestations dans la rue, bien sûr, mais aussi au domicile des militants indépendantistes du Gong, immédiatement accusés d'avoir été les instigateurs de ces émeutes. On en reparlera, si vous voulez. Mmh. Et le bilan, alors ? La préfecture ne tarde pas à publier un chiffre. Il y aurait eu 5 morts, mais ça ne semble pas très sérieux. Les indépendantistes, eux, parlent de dizaines de victimes. Et votre avis, alors ? Je pense que la vérité se trouve de leur côté, même s'il est très difficile de chiffrer exactement le nombre de morts. Ne serait-ce que parce que certaines des victimes ont été inhumées très discrètement par leur famille. Plus tard, beaucoup plus tard, semble me souvenir maintenant qu'un autre chiffre a été rendu public. C'est exact. En 1985, le ministre socialiste des Dom-Tom, Georges Lemoine, en visite à la Guadeloupe, a évoqué un bilan particulièrement impressionnant. 87 morts. 87. Oui, mais à l'époque, une nouvelle crise menaçait en Guadeloupe. Hein, et puis, je pense que le moine a pu vouloir éviter un drame supplémentaire en prononçant ce chiffre, et donc en donnant satisfaction à tous ceux qui accusaient les autorités d'avoir menti en 1967. Hein. C'est très possible. Mais il n'a pas inventé ce chiffre. Il l'a trouvé dans les archives de son ministère. Et à l'époque, il n'avait pu être transmis que par la préfecture de Basse-Terre. Ouais, qui avait donc sciemment falsifié le bilan de 1967. C'est certain. Toutefois, pour revenir à 1967, c'était maintenant à la justice de jouer et de continuer à sa façon la répression. Thank you. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Le quotidien en ligne Bakchich a publié en février dernier un récit du massacre de mai 67. Son auteur, l'écrivain Jean-Moïse Bredberg, souligne d'abord que le 26 mai était le jour anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Puis il écrit : la police tire immédiatement tuant Jacques Nestor, militant du groupe d'organisation nationale de la Guadeloupe, GONG. Selon le docteur Michel Numa, ancien militant indépendantiste, les ordres du préfet Bolot, captés sur la fréquence de la préfecture, disent aux officiers CRS « Faites usage de toutes vos armes ». Les deux jeunes ouvriers Taret et Tidas sont tués, ainsi qu'un promeneur. La population, et notamment les jeunes du lycée Bainbridge, révoltés, affluent le lendemain vers le centre de Pointe-à-Pitre. Des véhicules sont brûlés. Les boutiques de la rue Frébault, principale rue commerçante de Pointe-à-Pitre, sont incendiées et pillées. Plusieurs policiers sont blessés à coups de pierre et de sabre. Le bruit court qu'une armurerie a été dévalisée. Le préfet désarme les policiers noirs et fait appel à des gendarmes mobiles de Martinique et de Métropole. Sous la direction du commissaire de police Canal et du capitaine CRS Rupin, policiers et képis rouges se livrent à la chasse aux nègres. Arrêtés au hasard, des personnes sont exécutées dans les locaux de la gendarmerie de Morne-Nickel. Des dizaines de personnes sont blessées, dont certaines mutilées à vie, comme Solange Yvon Coudrieux. On enjambait les cadavres dans la sous-préfecture, assure un témoin qui craint encore de donner son nom. Vous êtes vous-même étonné du peu de retentissement de ces événements sanglants en métropole. Vous avez raison. Il y a pourtant un journal qui s'est singularisé, Témoignage chrétien. Et vous avez raison de le souligner, au moment où cet hebdomadaire connaît de graves difficultés financières. Ouais, Témoignage chrétien a donc publié un très long article sur mai 67 à la Guadeloupe, avec en couverture un superbe dessin de ciné qui représentait un bagnard noir enchaîné à une boule sur laquelle on pouvait lire « Liberté, égalité, fraternité ». Oui, sacré ciné. Mais dans le reste de la presse, silence ou presque. Cependant, vos confrères journalistes ont quand même au moins une excuse. C'est que l'orage grondait au Proche-Orient et bientôt au début du mois de juin, ce sera le déclenchement de la guerre des Six Jours. Ouais, un événement autrement plus important. Et qui a rapidement effacé des pages des journaux la sanglante répression de Pointe-à-Pitre. Alors je vous parlais de la justice. On va assister à deux procès. Pourquoi deux ? Parce qu'il faut examiner le cas de tous ces manifestants qui ont été arrêtés en flagrant délit, si j'ose dire. Une vingtaine de personnes. Et ces gens-là seront jugés par un tribunal correctionnel à Pointe-à-Pitre. Bon, disons-le tout de suite, le verdict prononcé en avril 1968 sera très clément. Seuls les inculpés, déjà interpellés pour des affaires de droit commun, seront condamnés, les autres étant purement et simplement relaxés. Et il faut cependant remarquer que ce procès a donné lieu à un certain nombre d'incongruités. Quoi, par exemple ? Au cours des auditions, il était quand même question de faire la lumière sur les causes et le déroulement des manifestations. Or, les avocats de la défense ont d'abord eu beau jeu de souligner que rien n'avait été fait pour prévenir les violences. Pas de couvre-feu, pas de communiqué radiodiffusé pour inviter les gens à rester chez eux. Comme en Martinique, assez récemment. Là. Ouais, en plus, les défenseurs ont constaté que les donneurs d'ordre, préfets et sous-préfets, n'ont pas été appelés à la barre. Quant au principal responsable de la police, le commissaire Canal, il a prétexté une dépression nerveuse pour ne pas avoir à témoigner. Autre grave manquement. Alors qu'il y avait eu des morts et des blessés, aucune instruction n'avait été ouverte par le procureur de la République. Ah, vous expliquez ça comment, vous ? Les plus hautes autorités judiciaires n'avaient certainement pas envie qu'on mette en cause le préfet et les forces de l'ordre. Aussi le procureur a-t-il répondu tout benoîtement que s'il n'avait pas ouvert d'informations, c'est qu'il n'avait été saisi d'aucune plainte. Et c'est vrai, ça ? Sincèrement, je ne sais pas. Mais il faut dire qu'après ces événements sanglants, il régnait en Guadeloupe un climat de peur. Ça explique aussi pourquoi les victimes ont été si discrètement enterrées. Enfin, pour en terminer avec ce procès en correctionnel, les avocats ont fait observer la disproportion entre la répression exercée contre les manifestants guadeloupéens et celle qui était ordinairement pratiquée en métropole dans tel cas. Ce que vous avez vous-même souligné tout à l'heure. Oui, c'est pourquoi défenseurs et inculpés ont pu parler de ratonnades. Des ratonnades, je cite l'un d'entre eux, qui ont été trop systématiques pour avoir été improvisées. Mais c'est l'autre procès qui est le plus important. car il est plus politique. Il s'agissait en effet de juger ceux que l'on considérait comme des meneurs ou des instigateurs. Oui, essentiellement les militants là, du gong. Mais pas exclusivement, quoi qu'il en soit. Tous ces hommes ont donc comparu un peu plus tôt, en février 68, devant une instance qui avait été créée pour juger les terroristes de l'OAS, la Cour de Sûreté de l'État, une chambre composée uniquement de magistrats professionnels. Oui, donc très perméable aux instructions du pouvoir. Naturellement. Oui. Et si ces militants, une petite vingtaine encore, ont affaire à cette Cour de Sûreté, c'est qu'ils sont accusés d'atteinte à l'intégrité du territoire. Et donc de séparatisme. Et c'est clairement l'indépendantisme guadeloupéen qu'on veut condamner à travers ce procès. Alors même qu'un rapport d'enquête de la DST, peu de temps après la tuerie, a clairement établi que le gong n'avait rien à voir dans l'organisation des émeutes. Mais les inculpés ont de la ressource et se défendent pied à pied. L'un pourfend la ségrégation raciale, l'autre affirme qu'Astérix n'était pas son ancêtre, le troisième fait observer, fait à l'appui, que la Guadeloupe est demeurée une colonie. Et tous proclament qu'ils combattent pour la libération et la dignité du peuple guadeloupéen. Et l'indépendance alors ? Bah, elle est forcément évoquée par l'accusation. Et l'un des principaux inculpés rétorque que le gong réclame l'autodétermination, mais pas la sécession. Et un autre déclare, et ses propos sont encore étrangement actuels, que son action a eu comme moteur d'en finir avec la misère du peuple et d'instituer une véritable fraternité. Non seulement entre les Guadeloupéens, mais aussi avec le peuple français. Ah, des phrases fortes. Cependant, enfin, l'accusation ne peut pas se contenter de l'étalage de ses bons sentiments. Bien entendu. Et tandis que dans certains journaux métropolitains, on lit que le gong n'est qu'un parti anti-français, la Cour évoque à de nombreuses reprises les rapports que le gong aurait établis avec Cuba et Pékin. Ouais, c'est le spectre de la subversion communiste. Ça. Mais les accusés ne se sont jamais cachés de regarder vers les Havanes et de nourrir des sympathies pour Cuba, une île des Caraïbes comme la leur. En tout cas, après 2 semaines de procès, le verdict sonne comme un désaveu pour tous ceux qui ont voulu diaboliser le gong. Seuls sont condamnés à des peines de prison assorties du sursis, 6 des inculpés, et les autres sont acquittés. Alors, tous sortent librement de prison, et que penser de cette clémence ? Je vous l'ai dit, cette cour de sûreté ne pouvait pas ignorer les souhaits du pouvoir. Il y a donc eu, en très haut lieu, une volonté d'apaisement. Général de Gaulle lui-même ? Pourquoi pas ? Ça lui ressemblait, non ? Après avoir frappé un grand coup, on pardonne. Et d'ailleurs, il faut noter qu'après ces événements dramatiques, et malgré la victoire judiciaire des militants du gong, les mouvements indépendantistes n'ont cessé de décliner en Guadeloupe. Attendez, il y aura quand même des actions violentes dans l'île. Oui, dans les années 70, puis 80, où l'on verra naître de nouvelles organisations indépendantistes. Clandestines, hein. Ouais. Oui, qui revendiqueront l'assassinat d'un conseiller général blanc et même l'enlèvement de l'une de vos consoeurs, qui, je crois, travaille aujourd'hui à France Inter. Oui, Marie-Christine Ledur. Ouais. Elle-même, oui, oui. Ça signifie donc que la Guadeloupe, comme son volcan, la Soufrière, n'a jamais cessé de gronder. Parce que fondamentalement, ces difficultés restent les mêmes qu'en 1967, non ? Oui, c'est ce que je crois. Mais je voudrais revenir un tout petit peu en arrière. Quand nous avons parlé de la clémence, j'ai évoqué le général de Gaulle. Mais l'homme qui a certainement joué un grand rôle dans cette affaire, c'est Jacques Foccart. Je suis persuadé que c'est lui qui a tiré la plupart des ficelles. Alors, l'ordre d'ouvrir le feu serait-il venu de lui ? On peut légitimement se poser la question. Le préfet, ne serait-ce que pour se couvrir, a dû en référer à Paris. Et il a dû être immédiatement aiguillé vers Foccart. D'accord, mais Foccart, c'était le plus proche conseiller du général. Hein. Et quand il y avait urgence, il pouvait prendre lui-même des décisions. Quoi, sans prévenir de Gaulle ? Tout à fait. Mais, alors, moi je m'interroge, les affaires guadeloupéennes, pourquoi ? Parce que son père, Guillaume Foccart, avait été planteur à la Guadeloupe et que son fils, qui avait d'ailleurs passé une partie de son enfance aux Antilles, il faisait toujours des affaires. Alors, si Foccart est réellement intervenu, ce n'était pas totalement désintéressé ? Foccart n'aurait pas été le premier à confondre les affaires de l'État et les siennes, non ? Afin de vérifier cette dernière assertion de M. X, je me suis plongé dans le livre de Pierre Péan, « L'homme de l'ombre », une biographie très détaillée de Jacques Foccart. Et voici ce que j'y ai lu. Les Français ignore probablement que c'est à Jacques Foccart qu'ils doivent de n'avoir mangé que des bananes des Antilles, probablement les plus chères du monde, pendant de très nombreuses années. Les producteurs antillais ont dû en montrer bien de la reconnaissance à Foccart et à ses amis gaullistes. Avant de s'occuper de toute l'Union française, Foccart a d'ailleurs fourbi ses armes de 1947 à 1949 comme délégué du RPF pour les Antilles. Non seulement il gardera toujours une certaine prédilection pour la Guadeloupe, mais quand de Gaulle reviendra au pouvoir, il considérera cette île comme son apanage. Le délégué du RPF se montre en l'occurrence plus conservateur que jadis son père, le planteur Guillaume Foccart. Il demande qu'avant de faire la déclaration des droits, on fasse également la déclaration des devoirs et responsabilités des autochtones. Cet ouvrage a été publié par Fayard. Pour rester dans le sujet, à signaler la parution récente chez Calman Lévy d'un livre de Benoît Hopquin, « Ces Noirs qui ont fait la France », quelques portraits du chevalier de Saint-Georges à Aimé Césaire. À samedi prochain, je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission. Merci à Michel Billoux, Rebecca Denante, Monsieur Djoub qui ont participé à l'élaboration de cette émission. Et merci à Jean-Pierre Sainton, historien de la Guadeloupe, qui nous a donné de précieux conseils. Il a publié avec Raymond Gamard en 1985 un ouvrage sur mai 67 et poursuit ses recherches sur le sujet. Et tout de suite après le flash, c'est au de mon amour de Denis Chessou.